Chapitre 4. L'alliance entre l'homme et le mammouth. Or, Nam et Gao avaient vu le mammouth venir auprès de leur chef. Ils conçurent mieux la petitesse de l'homme. Puis, quand la trompe énorme se posa sur Nao, ils murmurèrent. « Voilà, Nao va être écrasé. Nam et Gao seront seuls devant l'examen, les bêtes et les os. » Ensuite, ils virent la main de Nao effleurer la bête. Leur âme s'emplit de joie et d'orgueil. « Nao a fait alliance avec le mammouth, » murmura Nam. « Nao est le plus puissant des hommes. » Cependant, le fils du léopard criait. « Que Nam et Gao approchent à leur tour, de la manière que Nao s'est approché. Ils arracheront de l'herbe et des pousses et les offriront au mammouth. » Il l'écoutait, la poitrine chaude, pleine de foi. Ils s'avancèrent avec la lenteur dont le chef avait donné l'exemple, arrachant à leur passage tantôt de l'herbe tendre, tantôt de jeunes racines. Quand ils furent proches, ils tendirent leur récolte. Comme Nao l'attendait en même temps qu'eux, le mammouth vint la dévorer. Ainsi se noua l'alliance des Oulam avec le mammouth. La lune nouvelle avait grandi. Elle approchait de la nuit où elle se lèverait aussi vaste que le soleil. Or, un soir des temps, l'examen et les Oulam campaient à 20 000 coudées les uns des autres. C'était encore le long du fleuve. L'examen occupait une bande sèche du territoire, il se chauffait devant le feu rugissant et mangeait de lourds quartiers de viande, car la chasse avait été abondante, tandis que les Oulam se partageaient en silence dans l'ombre humide et froide quelques racines et la chair d'un ramier. À 10 000 coudées de la rive, les mammouths dormaient parmi les sycomores. Ils supportaient pendant le jour la présence des nomades. La nuit, ils montraient une humeur plus ombrageuse, soit qu'ils connussent ces embûches, soit qu'ils fussent gênés dans leur repos par une autre présence que celle de leur race. Chaque soir, les Oulam s'éloignaient donc, au-delà du terme où leur émanation pouvait être importune. Or, cette fois, Nao demanda à ses compagnons. Nam et Gao sont-ils prêts à la fatigue? Leurs membres sont-ils souples et leurs poitrines pleines de souffle? Le fils du peuplier répondit. Nam a dormi une partie du jour. Pourquoi ne serait-il pas prêt au combat? Et Gao dit à son tour. Le fils du Saïga peut parcourir de toute sa vitesse la distance qui le sépare d'Exam. C'est bien. Nao et ses jeunes hommes iront vers l'Exam. Ils vont lutter toute la nuit pour conquérir le feu. Nam et Gao se levèrent d'un bond et suivirent leur chef. Il ne fallait pas compter sur les ténèbres pour surprendre l'ennemi. Une lune à peine écornée se levait à l'autre rive du grand fleuve. Elle apparaissait tantôt toute rouge au ras des îles, tantôt rompue par quelques fils de hauts peupliers à travers lesquels elle s'éparpillait en lunule. Ailleurs, elle s'enfonçait dans les flots noirs où son image vacillante parfois rappelait un étincelant nuage d'été, parfois rampait comme un piton de cuivre ou s'allongeait ainsi qu'un cygne. Une nappe d'écailles et de mica s'élançait de son orbe et s'évasait obliquement d'une rive à l'autre. Les Oulam accélérèrent d'abord leur marche, choisissant des terrains où les végétaux étaient courts. À mesure qu'ils approchaient du campement d'Exam, leurs pas se ralentirent. Ils circulaient parallèlement les uns aux autres, séparés par des intervalles considérables afin de surveiller la plus grande aire possible et de ne pas être cernés. Brusquement, au détour d'une oseraie, lointaines encore, le clair de lune les rendait pâles. L'Exam dormait. Trois guetteurs entretenaient le brasier et surveillaient la nuit. Les rôdeurs, tapis parmi les végétaux, épiaient le campement avec une convoitise rageuse. Ah, s'ils pouvaient seulement dérober une étincelle! Ils tenaient près des brindilles sèches, des rameaux finement découpés. Le feu ne mourait plus entre leurs mains jusqu'à ce qu'ils l'eussent emprisonné dans la cage d'écorce, doublée intérieurement de pierres plates. Mais comment approcher de la flamme? Comment détourner l'attention d'Exam surexcité depuis la nuit où le fils du léopard avait paru devant leur foyer? Nao dit « Voici ». Pendant que Nao remontera le long du grand fleuve, Nam et Gao erreront dans la plaine, autour du camp des dévoreurs d'hommes. Tantôt ils se cacheront, et tantôt ils se montreront. Quand les ennemis s'élanceront sur leurs traces, ils prendront la fuite, mais non de toute leur vitesse, car il faut que l'exam espère les saisir et qu'ils les poursuivent longtemps. Nam et Gao mettront leur courage à ne pas fuir trop vite. Ils entraîneront l'exam jusqu'auprès de la pierre rouge. Si Nao n'y est pas, ils passeront entre les mammouths et le grand fleuve. Nao retrouvera leur piste. Les jeunes nomades frissonnèrent. Il leur était dur d'être séparés de Nao devant l'exam formidable. Dociles, ils se glissèrent à travers les végétaux, tandis que le fils du léopard se dirigeait vers la rive. Du temps passa. Puis Nam se montra sous un catalpa et disparut. Ensuite la silhouette de Gao se dessina furtive sur les herbes. Les veilleurs donnèrent l'alarme. Les Xam surgirent en désordre avec de longs hurlements et s'assemblèrent autour de leur chef. C'était un guerrier de stature médiocre, aussi trapu que l'ours des cavernes. Il leva deux fois sa massue, proféra des propos rauques et donna le signal. Les Xam formèrent six groupes éparpillés en demi-cercle. Nao, plein de doutes et d'inquiétudes, les regarda disparaître. Puis il ne songea qu'à conquérir le feu. Quatre hommes le gardaient, choisis parmi les plus robustes. L'un surtout paraissait redoutable. Aussi trapu que le chef et de taille plus haute, la seule dimension de sa massue annonçait sa force. Il se tenait en pleine lumière. Nao discerna la mâchoire énorme, les yeux ombragés par des arcades velues, les jambes brèves, triangulaires et massives. Moins denses, les trois autres n'en montraient pas moins des torses épais et de longs bras aux muscles durcis. La position de Nao était favorable. La brise, légère mais persistante, soufflait vers lui, emportait son émanation loin des veilleurs. Des chacals rôdaient sur la savane, émettant une odeur perçante. Il avait, par surcroît, gardé une dépôt conquise. Ces circonstances lui permirent d'approcher à 60 coudées du feu. Il s'arrêta longtemps. La lune dépassait les peupliers lorsqu'il se dressa et poussa son cri de guerre. Surpris par son apparition brusque, l'exam l'épiait. Leur stupeur ne dura guère. Hurlant tous ensemble, ils levèrent la hache de pierre, la massue ou la sagaie. Nao clama « Le fils du léopard est venu à travers les savanes, les forêts, les montagnes et les rivières parce que sa tribu est sans feu. » Si l'exam lui laissait prendre quelques tisons à leur foyer, il se retirera sans combattre. Il ne comprenait pas mieux ces paroles d'une langue étrangère qu'ils n'eussent compris le hurlement des loups. Voyant qu'il était seul, il ne songeait qu'à le massacrer. Nao recula dans l'espoir qu'ils se disperseraient et qu'il pourrait les attirer loin du feu. Ils s'élancèrent en groupe. Le plus grand dès qu'il fut à portée jeta une sagaie à pointe de silex. Il l'avait dardé avec force et adresse. L'arme effleurant l'épaule de Nao retomba sur la terre humide. L'oularme, qui préférait ménager ses propres armes, ramassa le trait et le lança à son tour. Avec un sifflement, l'arme décrivit une courbe. Elle perça la gorge d'un Xam qui chancela et s'étendit. Ses compagnons, poussant des clameurs de chiens, ripostèrent simultanément. Nao n'eut que le temps de se jeter à terre pour éviter les pointes tranchantes et les dévoreurs d'hommes, le croyant atteint, se précipitèrent pour l'achever. Déjà il avait rebondi et riposté. Un Xam, frappé au ventre, cessa la poursuite tandis que les deux autres projetaient coup sur coup leur sagaie. Du sang jaillit à la hanche de Nao, mais sentant que la blessure n'était point profonde, il se mit à tourner autour de ses adversaires, car il ne redoutait plus d'être enveloppé. Il s'éloignait, il revenait, si bien qu'il se trouva entre le feu et ses ennemis. « Nao est plus rapide que l'exam » cria-t-il. « Il prendra le feu et l'exam auront perdu deux guerriers. » Il bondit encore. Il vint tout près de la flamme. Et il étendait les mains pour saisir des tisons lorsqu'il s'aperçut avec tremblement que tout s'était presque consumé. Il fit le tour du brasier dans l'espoir de trouver une branche maniable. Sa recherche fut vaine. Et l'exam arrivait. Il voulut fuir. Il se heurta à une souche et trébucha, si bien que ses antagonistes réussirent à lui barrer la route en l'acculant contre le feu. Quoique le brasier occupât une aire considérable et se trouvât surhaussé, il aurait pu le franchir. Un désespoir formidable emplissait sa poitrine. L'idée de retourner vaincue dans la nuit lui fut insupportable. Levant ensemble sa hache et sa massue, il accepta le combat.